Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling bring you joy. Here's to you, my rambling boy. May all your rambling. Ses longs mois passés sur les routes aux côtés des chômeurs, des trimardeurs, des déclassés et son emprisonnement pour vagabondage ont éveillé Jack London à la politique. À 18 ans, il s'est découvert socialiste. In Tulsa town, we chanced to stray. We thought we'd try to work one day. The boss said he had room for one. Says my old pal, we'd rather bum. And here's to you, my rambling boy. May all your rambling. Ils avaient été blessés par des machines mal entretenues, sans dispositif de sécurité et abandonnés par leur patron. Avaient perdu la santé parce qu'ils travaillaient 14 heures par jour dans des usines mal aérées. Puis on les avait mis au rancard comme une marchandise inutile. Après avoir vieilli sous le harnais, ils avaient été remplacés par des plus jeunes. Ils faisaient peut-être un métier que les transformations de l'époque ont condamné à disparaître, et il leur a été impossible de se réadapter ailleurs. Ils ont été remplacés par des machines, des femmes ou même des enfants que l'on payait moins cher. Ils ont sans doute été licenciés pendant la crise économique et n'ont jamais retrouvé d'emploi. Ils avaient fait des grèves pour obtenir de moins longues heures de travail et un salaire moins dérisoire. Leur place avait été prise par des salauds et leurs employeurs les avaient inscrits sur la liste noire. Jack sait maintenant que si rien ne change de radical dans sa vie, lui aussi sera remplacé par un jeune dans 5-10 ans et finira dans les taudis des villes ou parmi les vagabonds. Il comprend qu'il y a quelque chose de défectueux dans un système économique qui prend aux individus les meilleures années de leur vie pour les rejeter ensuite. Il vient d'apprendre que le socialisme moderne ne date que de 70 ans, qu'il est né en même temps que sa propre mère. Il se sent heureux de vivre l'époque où s'amorce le mouvement, d'en être le contemporain et presque un membre fondateur. Le fait d'arriver au moment où toutes ces idées bouillonnent, où les esprits changent, où les changements sont rendus possibles, puisque des hommes le désirent, se rassemblent et s'associent pour ça. L'enthousiaste. Il va lire Babeuf, Saint-Simon, Fourier et Prudhon, tous les utopistes français dans lesquels il trouve la première critique de la propriété privée. Un vagabond philosophe rencontré dans le Nevada lui a parlé du manifeste communiste de Karl Marx. Il se le procure aussitôt arrivé à Auckland et tombe d'accord avec ce qu'il lit. Sur un bloc-notes, il écrit « Toute l'histoire de l'humanité se confond avec l'histoire de la lutte entre exploités et exploiteurs. L'histoire de la lutte des classes montre l'évolution de la civilisation économique comme les études de Darwin montrent l'évolution de l'homme. » Avec l'industrialisme et l'accumulation du capital, on est arrivé à une phase où l'exploité ne peut se libérer de la classe dirigeante sans affranchir pour l'avenir la société tout entière de l'exploitation, de l'oppression, des distinctions sociales et de la lutte des classes. Usines, moyens de production, moyens de communication et de transport doivent appartenir à l'État. Tous les biens, à l'exception des biens de consommation, doivent appartenir à la collectivité. Il souligne d'un trait rouge dans le manifeste l'appel du socialisme aux travailleurs internationaux. Les communistes ne s'abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent être atteints que par le renversement violent de tout l'ordre social passé. Que les classes dirigeantes tremblent à l'idée d'une révolution communiste. Les prolétaires n'y ont rien à perdre que leur chaîne. Ils ont un monde à y gagner. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Jack London ne tarde pas à proclamer publiquement que le socialisme est la plus belle chose au monde. Le croit-il ? Pour l'heure, il a trois urgences, apprendre, apprendre et apprendre. Il a quitté l'école à 13 ans et vise pourtant d'entrer à l'université de Berkeley. Pour cela, il doit retourner en classe et à 19 ans, le voilà en première année à l'Oakland High School. Démarche chaloupée des marins, cheveux en désordre, le visage brûlé par le soleil, il se distingue tout de suite. Entouré de garçons et de filles de 14, 15 ans, il est l'aîné déluré, celui qui a bourlingué, et pour ces raisons, certains recherchent sa compagnie, d'autres la fuient. Il publie ses premières nouvelles dans une revue littéraire étudiante de Haggis. La première raconte ses pérégrinations avec le Sophie Sutherland dans les îles Bonin, deux autres, ses aventures sur la route, Frisco Kid and Frisco Kid Came Back. En entrant dans une association qui est le point de ralliement des intellectuels d'Oakland, Jack va se trouver mêlé pour la première fois de sa vie à de jeunes professeurs, des médecins, des avocats, des musiciens, des étudiants, des socialistes qui tous s'intéressent au monde en mutation qui les entoure. Ici, on juge les gens sur la qualité de leur intelligence et non sur les vêtements. Et surtout, on l'écoute. Il sent que ces personnes ont de l'affection pour lui, qu'ils l'accueillent comme un égal et un ami. L'amitié qui se dégage de ce groupe de réflexion débarrasse le jeune homme de ses complexes et de sa timidité. Ici, devant ce parterre d'intellectuels, il prend de l'assurance et s'exprime en toute liberté. Comme Gatsby le magnifique de Scott Fitzgerald quelques années plus tard, le futur écrivain va se lier d'amitié avec un garçon de son âge, Edward. Edward Applegarth est pénétré, ébahi, dans le monde des riches. Issu d'une famille aisée et cultivée, Edward fait de longues promenades avec Jack. Ils s'enflamment mutuellement pour les idées nouvelles, conversent jusqu'à ce que le jeune homme invite l'ex-vagabond du rail chez lui. Edward a une sœur, Mabel, qui va se prénommer Ruth dans Martin Eden et va devenir le premier grand amour de Jack, mais aussi son professeur de maintien, de grammaire, de diction, bref. Elle va apprendre l'amour et les bonnes manières aux petits pilleurs d'huîtres de la baie de San Francisco. Dans Martin Eden, il raconte sa deuxième rencontre avec la jeune fille. Il a aux lèvres le vers d'un poème qu'il vient d'apprendre et qu'il brûle d'envie de s'approprier pour le confier à celle dont il est en train de tomber amoureux. Le fol amant de Dieu mourant sur un baiser. Le fol amant de Ruth qu'il souhaite ardemment devenir et dont il tait les mots pour finalement déclarer avec son parler d'alors. Maintenant voilà où je veux en venir. J'avais jamais été dans une maison comme ici. Quand je suis venu l'autre semaine et que je vous ai vu et votre mère et vos frères et tout ça, eh bien, ça m'a plu. J'en avais entendu parler, j'avais lu des choses là-dessus, et quand j'ai vu votre maison, les livres sont devenus réalité. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça m'a fait envie. Ça me fait toujours envie. Je veux respirer cet air-là, moi aussi. Vivre au milieu des livres, des tableaux, des belles choses, avec des gens qui parlent à voix basse, qui sont propres, qui ont des pensées propres. L'air que j'ai toujours respiré sentait la crasse, la pauvreté, la gnôle, la crapule. Quand vous vous êtes levé pour aller embrasser votre mère, j'avais jamais vu une chose aussi belle. J'ai roulé ma bosse pourtant, j'ai vu des tas de choses, beaucoup plus que ceux qui étaient avec moi. Parce que j'aime regarder, je veux toujours en voir plus, et je veux voir du nouveau. Mais c'est pas encore ce que je voulais dire. Voilà, je veux vivre à votre façon, comme vous vivez ici. Il y a autre chose que l'agneau, le boulot et la castagne dans la vie. Mais comment que je peux y arriver ? Par où que je dois commencer? Je veux me frayer un chemin, voyez? Et je peux abattre un fameux travail quand il faut. Quand je m'y mets, je peux m'arner du matin au soir. Vous me trouvez peut-être drôle de vous demander ça. Je sais que vous êtes la dernière personne au monde à qui le demander. Mais je ne vois pas vers qui d'autre je pourrais me tourner. Ce qui vous manque, vous vous en rendez compte vous-même, c'est de l'éducation. Terminez l'école primaire. Aller au collège et ensuite à l'université. Selon moi, la première chose est d'apprendre la grammaire. Votre grammaire n'est pas excellente. Je sais que je cause des fois l'argot et que vous comprenez pas tous mes mots. Mais c'est les seuls mots que je peux me servir. J'en ai d'autres en tête que j'ai piqués dans des livres, mais je sais pas les prononcer. Alors je m'en sers pas. Ce n'est pas tant ce que vous dites, c'est plutôt la manière de le dire. Je peux me permettre d'être franche, n'est-ce pas ? Je ne voudrais pas vous blesser. Par exemple, ne dites pas « si j'aurais su », mais « si j'avais su ». Et au lieu de « je sais pas », dites « je ne sais pas ». Comme elle se levait, elle se leva aussi, se rappelant vaguement avoir lu une recommandation de ce genre dans un manuel de savoir-vivre. À propos, monsieur London, qu'est-ce que la gnôle ? Vous avez employé ce mot plusieurs fois. Oh, la gnôle, c'est de l'argot. Ça veut dire whisky, gin, enfin, tout ce qui peut vous saouler. Quelques instants plus tard, lorsqu'elle revint avec une grammaire, elle approcha sa chaise et se tint à côté de lui. Elle se mit à tourner les pages. Leurs têtes étaient inclinées l'une vers l'autre, et il avait du mal à suivre ce qu'elle lui disait tant il était ému par sa délicieuse proximité. Mais quand elle commença à lui expliquer l'importance des conjugaisons, il oublia son trouble. Il n'avait jamais entendu parler de conjugaison et fut fasciné par les subtilités du langage que cette nouveauté lui faisait entrevoir. Comme il se penchait sur la page, sa joue effleura la chevelure de Ruth. Il ne s'était évanoui qu'une seule fois dans sa vie et crut un instant que cela allait le reprendre. Il pouvait à peine respirer. Son sang palpitait dans sa gorge et l'étouffait. Jamais elle ne lui avait paru aussi accessible. Le gouffre qui les séparait devenait à présent franchissable. Il vénérait cette fille avec une ferveur quasi religieuse. Soudain, il eut l'impression d'être un intrus dans le sein des saints. Et lentement, avec délicatesse, il écarta sa tête de ce contact qui l'électrisait comme une prise de courant et dont elle n'avait même pas eu conscience. Il ne tarda pas à supprimer les mots vulgaires de son vocabulaire, à cesser de se balancer en marchant, comme font les matelots, à abandonner ses manières frustes. Mabel Applegarth avait 3 ans de plus que lui. Elle avait les yeux bleus et une chevelure longue et blonde. Mais les soucis de Jack étaient loin de se terminer. Cette éducation sentimentale allait subir encore des rebonds inattendus. En même temps que l'amour, il découvrait la politique. Et lui qui n'avait jamais eu peur sur les rafiots et sous les bougies des wagons, ne pouvait craindre de dire publiquement le fond de sa pensée. Le Parti socialiste d'Auckland l'invita à assister à leur cellule de réflexion. Il se rendit à des réunions d'ouvriers, commença à parler du socialisme dans les syndicats, à écouter les discours à City Hall Park, un lieu comme le Hyde Park de Londres, où viennent s'exprimer ceux qui ont envie de le faire. Un jour, entraîné par l'ambiance, il se leva, monta sur un banc et déclara à la foule que le capitalisme était un système de vol organisé qui prenait les travailleurs à la gorge et les mettait au rancard après que leurs forces se soient épuisées. Plus tard, en 1902, le déjà célèbre Francisco Newsletter écrira: il est le flambeau de l'anarchie du drapeau rouge. Il mériterait d'être arrêté et poursuivi pour haute trahison. La reconnaissance, le succès, lui qui sera tout d'abord célèbre pour des livres animaliers, adulé par la jeunesse, rien ne le fera dévier de ses convictions adolescentes ni de son insolente éloquence. Dans un livre peu connu, Le Talon de Fer, il fait tenir au héros des propos radicaux et violents qu'il n'a pas manqué de tenir lui-même en 1905 devant un club select de New York. Pas de quartier, il nous faut tout ce que vous possédez. Nous ne nous contenterons de rien de moins. Nous voulons prendre entre nos mains les rênes du pouvoir et la destinée du genre humain. Voici nos mains, nos fortes mains. Elles vous enlèveront votre gouvernement, vos palais et toute votre aisance dorée. Ce jour viendra où vous devrez travailler de vos propres mains pour gagner du pain, comme fait le paysan dans les champs ou le commis étiolé des métropoles. Voici nos mains. Regardez-les, elles sont solides. Ce jour-là, quelques lettrés et riches New-Yorkais découvriront avec stupeur que le jeune et déjà célèbre auteur du Fils du Loup, de Gros-Blanc, de l'Appel de la Forêt, le peintre des chercheurs d'or et de l'Alaska, bref, le romancier à la mode qu'ils ont invité, n'est autre qu'un petit gauchiste extrémiste, irrespectueux de la Constitution américaine, qui garantit à tous la liberté de s'enrichir, et qu'il est surtout porteur d'un cauchemar effrayant, la mise à sac de la société. J'eus du succès comme marchand de matières grises. La société m'ouvrit toutes grandes ses portes. J'entrai droit dans ses salons, où je perdis rapidement mes illusions. Je dînais avec les maîtres de la société, avec leurs filles et leurs épouses. J'avouerai que ces femmes-là étaient merveilleusement bien vêtues. Mais à ma grande surprise, je découvris qu'elles étaient faites de la même pâte que toutes les femmes que j'avais connues, tout en bas, dans les caves. Mais revenons à Auckland en 1897 et au fracassant début socialiste de London. Bien que les interviews dans les journaux et les déclarations intempestives de Jack puissent agacer Mabel Applegarth et sa famille, celle-ci ne modifia en rien ses sentiments. Ils se complétaient admirablement. Il était fort, baroudeur et plein de vitalité. Elle était délicate, cultivée et raffinée. Legis, le journal de l'Oakland High School, continua de publier régulièrement ses écrits, y compris un pamphlet. Optimisme, pessimisme et patriotisme, dans lequel il accuse le pouvoir de priver les masses d'instruction et de mater ainsi toute révolte possible contre leur état d'esclavage. Une fois de plus, il stigmatise le capitalisme, le surmenage des ouvriers, la sueur, les salaires scandaleusement bas et l'inévitable dégradation morale et sociale qui en découle. Vous autres Américains, réveillez en vous le patriotisme et l'optimisme. Prenez en main les rênes d'un gouvernement corrompu et éclairez les masses. Ses discours de plus en plus radicaux l'écartent du lycée et il va continuer sa préparation à l'université dans une école de bachotage. Avec ses excès coutumiers, il va travailler 19 heures par jour à apprendre, à étudier les mathématiques, la chimie, l'histoire, l'anglais. Il renonce aux réunions socialistes et même à ses chères visites chez Edward et Mabel Applegarth. Au bout de 12 semaines à ce rythme, il prend le tramway pour Berkeley pour y passer ses examens. Dans l'attente des résultats, il loue une barque à voile, sort de l'estuaire et retrouve pour la première fois depuis bien longtemps ses ex-compagnons de bordée, les marins de la baie avec lesquels il prend une cuite de première importance. Il n'avait pas touché une goutte d'alcool depuis un an. Le plus étrange est que le charme de John Barleycorn est toujours demeuré pour moi un mystère. Mon organisme était si réfractaire à l'alcool que seul je n'avais jamais la tentation de boire. Ses réactions chimiques ne me procuraient aucune satisfaction. Je buvais par esprit d'imitation et de compétition, et surtout parce que mon tempérament m'interdisait de rester au-dessous des autres dans leur passe-temps favori. C'est ce qu'il pensait un an plus tôt. Pourtant, ce jour-là, dans sa barque, lorsqu'il aperçoit au loin Benicia, il sent qu'une force irrépressible l'attire là, auprès de ses vieux compagnons de pêche et de pillage. We'll sing when we get there. Well, I've done a lot of living and I've found. Come on. No matter where you go, the old world around. They'll always go. Turns to gray and hide the sun. When tired hands their daily work have done. Well, nothing seems to turn things round again and make the whole world right like music and friends. Now all together. Music and friends, it's so good to bring together music and friends. Side by side, no one can break them. When we take the time to make them, where things else can take the place of music and friends. One more time. music and friends. It's so good to bring together music and friends. Side by side, no one can break down. When we take the time to make down, where there's one, there'll be the other, music and friends. Nothing makes the old world right like music and friends. Lorsque mes yeux se portèrent sur ces barques de pêcheurs au milieu des joncs de la côte, sans réfléchir davantage, je lâchai la barre, me précipitai sur la voile et me dirigeai tout droit vers le rivage. Instantanément, au plus profond de mon cerveau en délire, je sus ce que je voulais. Je désirais boire, je voulais m'enivrer. Pour la première fois de sa vie, London a besoin d'alcool. Un désir, une envie, un vrai besoin. Autant sur la route dans sa virée vers Washington avec les chômeurs, ou au cours des soirées avec les pilleurs d'huîtres, avec les marins du Sophia Sutherland, il buvait par sociabilité, par convivialité et camaraderie. Pour la première vraie fois, c'est ce qu'il écrit dans John Barleycorn, il a un désir cérébral d'alcool. Son esprit surmené et fêlé cherche de l'oubli. Je cinglais donc vers la rive, rentrais le gréement, et débarquait parmi les embarcations des pêcheurs. Charlie le Grand me sauta au cou. Sa femme Lizzie et tous les survivants de la vieille garde m'entourèrent et me serrèrent dans leurs bras. Charlie embarqua la cruche et se dirigea vers le bar de Jorgensen, de l'autre côté de la voie ferrée, pour chercher de la bière. Préférant du whisky, je lui criai de m'en rapporter une bouteille. Bien des fois, au cours de cette journée, cette bouteille fit l'aller-retour entre nous. Mes anciens amis de l'époque libre et insouciante arrivèrent plus nombreux, des pêcheurs grecs, russes et français. À tour de rôle, ils offrirent et renouvelèrent des tournées générales. Ils s'en allaient, d'autres les remplaçaient. Moi, je restais et trinquais avec tout le monde. Sans cesse, je m'imbibais et mon hébétude croissait à mesure que les lubies me montaient au cerveau. On buvait, on hurlait aux étoiles des chansons de marins, des blues improvisés sur la misère de la classe ouvrière. J'ai le don fatal de me faire des amis sans le moindre effort. Et il ne m'oublie jamais. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. C'était Jack London, Naissance d'un écrivain, par Yves Simon, avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. Réalisation, Marie-France Nussbaum. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Équipe de réalisation pour le feuilleton, Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001.